بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله. Donc nous allons poursuivre notre série de cours intitulée sur le chemin de la Hijra. Et dans le premier cours, nous avons défini la Hijra linguistiquement et religieusement. Puis nous avons tiré des enseignements de ces deux définitions. Alors que dans le deuxième cours, nous avons évoqué le jugement de la Hijra et qu'il est de deux types, obligatoire et recommandé. La Hijra est obligatoire lorsque le musulman vit en terre de mécréance et qu'il ne peut pas extérioriser sa religion. Et elle est recommandée lorsqu'il peut extérioriser sa religion. Et nous avons mentionné, walillah alhamd, quelques exemples montrant qu'il est très difficile d'extérioriser sa religion dans les pays de mécréance en règle générale. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons mentionner certaines causes pour accomplir la hijra. Et ce sujet, ikhwani fillah, est très important. Car souvent, celui qui veut accomplir la hijra ne sait pas par quoi commencer. Les choses à faire ou ne pas faire. Et quelles sont les causes qu'il doit privilégier? Aussi, car il y a beaucoup de préjugés concernant les causes pour accomplir la hijra. Certains vont te dire, par exemple, que la hijra est seulement une question d'argent et de biens, et que plus tu partiras avec beaucoup d'argent, plus tu réussiras ta hijra. Alors qu'en vérité, ikhwani fillah, ce ne sont pas les causes les plus importantes. Les causes les plus importantes sont en vérité les causes religieuses. Je répète cette phrase pour que ça soit clair. Les causes les plus importantes sont en vérité les causes religieuses. Et il est très important de savoir cela pour toute personne voulant faire la hijra. Le plus important, ce n'est pas les causes mondaines, comme partir avec une grosse somme d'argent ou avoir un logement sur place ou encore trouver un emploi avant de partir. Car la hijra ne dépend pas seulement de ce genre de causes. Et quelqu'un pourrait trouver cette parole étrange et me dire que ceci est exagéré. Car le fait d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir une maison en terre d'islam, c'est l'essentiel de la hijra. Et pour répondre à cela, il nous suffit de donner plusieurs arguments qui suffiront à toute personne clairvoyante, incha'Allah. Le premier de ces arguments est que dans certains pays mécréens, tels que la France, nous trouvons beaucoup de personnes d'origine algérienne, sénégalaise, malienne, tunisienne et autres. Et certains d'entre eux ont des maisons dans leur pays d'origine. Malgré cela, beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas émigré. Ils viennent en vacances dans leur pays d'origine, profitent de leur maison, et ça s'arrête là. Malgré que la hijra pour eux est facilitée, ils ne l'accomplissent pas pour autant. Et ils sont nombreux à être dans ce cas-là. Le deuxième argument, certaines personnes en France gagnent très bien leur vie et ils ont une grosse somme d'argent de côté. Cet argent pourrait même leur permettre de vivre sans travailler un bon petit moment en terre d'islam ou même d'investir dans un commerce. Mais malgré cela, ils vivent encore en terre de mécréance et n'ont pas fait la hijra. Le troisième argument, certains ont réussi à émigrer en terre d'islam avec des sommes faramineuses qui pouvaient à première vue leur permettre de vivre des années sans travailler. Malgré cela, ils ont fini par rentrer en terre de mécréance. Une fois, après avoir dilapidé cet argent, et bon nombre d'entre eux y résident encore, à l'heure où je vous parle. Et ces trois arguments, Ikhwani fillah, nous montrent clairement que l'aspect financier n'est pas le plus important dans la hijra. Et après cela, quelqu'un peut me dire, si les causes mondaines ne sont pas les plus importantes pour accomplir la hijra, quelles sont alors les causes religieuses qui permettront l'accomplissement de cette immense adoration? La réponse à cette question est que les causes religieuses sont nombreuses. Parmi elles, nous avons la sincérité. Celui qui veut faire la hijra doit purifier son intention. Il doit se rendre compte qu'il va accomplir une adoration immense. Et donc il se doit d'être sincère, car c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné pour l'ensemble des adorations. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5 de sourate Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْآيَة. Il dit selon la traduction rapprochée, il ne leur fut pourtant ordonné que d'adorer Allah en ne consacrant leur culte qu'à lui seul. Il ne doit pas vouloir par son action les éloges des gens ou quelque chose de cette vie mondaine. Car Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement les intentions de ses serviteurs et viendra un moment où tout sera dévoilé au grand jour. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Tariq, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Le jour où les secrets seront dévoilés, l'homme n'aura alors ni force ni secours. Et sa sincérité sera donc un bien pour lui, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, car Allah le facilitera dans son action et apaisera son cœur. Et dans l'au-delà, car Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera pour avoir accompli cette grande adoration qu'est la hijra. Aussi, parmi les causes religieuses pour la hijra, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la base de tout bien. Et celui qui veut faire la hijra en tirera d'indénombrables profits. Et parmi ceux-ci, nous avons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans surat al-Anfal, surat le butin. Il dit, Azza wa Jal, Ya ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement. C'est-à-dire le discernement entre le vrai et du faux, entre ce qui est profitable de ce qui est nuisible. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sera aussi une cause de son secours, de sa réussite, tout comme elle sera une cause qu'il trouve une issue favorable ici-bas. Celui qui prépare sa hijra devra faire certains choix et sera confronté à certaines situations. Il devra donc faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Et plus il craindra Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'Allah lui a ordonné et en délaissant ce qu'il lui a interdit, plus il sera facilité dans cela. Et parmi les profits de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons aussi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 2 de sourate le divorce. Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable et il pourvoit à sa subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas. Celui qui prépare sa hijra doit toujours revenir à ce verset. Ce verset doit toujours être dans sa tête. Il doit toujours se le remémorer, mais pas seulement. Il doit aussi le mettre en pratique. Combien de personnes, ikhwani fillah, préparant leur hijra, partaient défaitistes et ne pensaient jamais y arriver. Même les gens autour d'eux pensaient qu'ils n'allaient jamais réussir à émigrer. Soit car leur situation financière était instable, soit car ils avaient certains problèmes que beaucoup voyaient comme insurmontables. Sauf que ces personnes en question ont mesuré la grandeur de ce verset et l'ont mis en pratique. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé de nombreuses issues qu'ils ne s'imaginaient même pas. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'une des plus grandes causes pour la hijra, que ce soit pour l'accomplir ou même pour se maintenir en terre d'islam. Sachez, ikhwani fillah, que l'argent va et vient. Il y a des périodes où tu auras plus d'argent et d'autres où tu en auras moins. L'argent ne perdure pas, quand bien même tu en as beaucoup. Mais c'est plutôt ce qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala qui perdure. C'est pour ça que certains pieux prédécesseurs disaient, Ma kana lillahi yabqa. Ce qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala perdure. En sachant qu'accomplir la hijra rentre dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte d'Allah consiste à faire ce qu'Allah a ordonné et à délaisser ce qu'il a interdit. Et parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, il y a la hijra. Parmi les causes religieuses pour la hijra, nous avons aussi at-tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, celui qui veut accomplir la hijra, il doit placer sa confiance en Allah. C'est-à-dire, il doit s'en remettre à Allah dans toutes ses affaires, tout en faisant les causes, tout en sachant que ces causes peuvent marcher comme elles peuvent échouer. Et que celui qui détient son affaire, c'est Allah. Et donc, il s'en remet à lui dans toutes choses. Et dans ce cas-là, il ne se préoccupera pas des gens. Il ne va pas se soucier que les gens l'aident ou non, car Allah lui suffira. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate le divorce, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. La confiance en Allah a donc une importance cruciale pour celui qui veut faire la hijra. Surtout que cette adoration a de nombreux profits, comme l'ont mentionné les savants. Parmi ces profits, il y a le fait qu'elle renforce la détermination et la fermeté. Et ce point-là est très important, surtout lorsqu'on sait que celui qui veut faire la hijra a besoin de beaucoup de détermination et de fermeté. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala raffermit qui il veut parmi ses serviteurs, malgré que certains d'entre eux ont un haut rang, ils ont besoin d'être renforcés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher quelque peu vers eux. Et donc le serviteur a sans cesse besoin d'être renforcé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit donc s'efforcer de mettre en œuvre tous les moyens pour y parvenir. Et parmi ces moyens, il y a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les profits de la confiance en Allah, il y a aussi le fait que cela préserve de l'emprise du shaitan. Et ceci n'est pas négligeable, car le shaitan va tout faire, je dis bien tout, pour empêcher la personne de faire la hijra. En utilisant divers procédés, parfois, il va faire idéaliser à la personne sa situation en terre de mécréance, tout en lui faisant croire que dans les pays musulmans, la vie y est dure et insoutenable. Ou parfois, il va passer par les enfants, en lui faisant croire que ses enfants ne seront jamais épanouis en terre d'islam, alors qu'en terre de mécréance, ils le seront forcément, vu qu'ils ont leurs amis, leurs habitudes, et ils sont habitués à l'environnement. Mais celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala sera protégé contre ses insufflations, incha'Allah ta'ala. Et parmi les causes religieuses pour faire la hijra, il y a aussi le fait de se rappeler de l'au-delà. Car plus la personne se rappelle à quel point cette vie d'ici-bas est éphémère et qu'il n'est que de passage, plus il lui sera facile de faire la hijra. Car l'attachement à cette vie d'ici-bas est l'une des plus grandes causes qui empêche beaucoup de gens de faire la hijra. Et ici, ikhwanifillah, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est très important. Beaucoup de personnes pensent que lorsque tu fais la hijra, tu dois délaisser le confort et qu'il faut forcément se restreindre. Et ceci est un frein pour beaucoup de personnes pour faire la hijra. Et il n'y a pas de doute que ceci est une mauvaise compréhension. Car certains de nos frères, par la grâce d'Allah, ont le même train de vie qu'ils avaient en France, voire mieux. Car ce que tu as comme confort en terre de mécréance, tu peux l'avoir dans les pays musulmans, et souvent en mieux. Et il est malheureux de constater que lorsque certains pensent à la hijra, les premiers mots qui leur viennent en tête est se restreindre, se priver, être en difficulté, manquer de moyens et être beaucoup éprouvé. L'éminent savant Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, dit à ce sujet, je cite, « Beaucoup de personnes pensent que s'ils vivent en terre d'islam, ils mourront de faim, ils seront dévêtus, ils seront perdus, et qu'il n'y a de félicité, excusez-moi, que dans les pays mécréants. Et sur cela, nous cherchons protection auprès d'Allah contre la mauvaise opinion envers Allah. » Fin de citation. Alors qu'en vérité, celui qui veut faire la hijra, il doit avoir une bonne opinion d'Allah. Il doit avoir la certitude qu'Allah le facilitera et qu'il l'aidera dans ses affaires. Qu'il sache qu'Allah aime ceux qui veulent se rapprocher de lui en faisant ce qu'il aime et agrée. Et parmi les choses qu'Allah aime et agrée, il y a la hijra. Et donc, avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala rentre aussi dans les causes religieuses que doit faire celui qui veut faire la hijra. Et parmi les causes religieuses pour la hijra, il y a aussi se rappeler des promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il convient à celui qui veut faire la hijra de se rappeler les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala faites à ses serviteurs dans le Coran. Car ceci va le pousser vers l'avant et lui donner envie de partir. Et aussi lui rappeler une chose très importante que beaucoup de personnes oublient. Et cette chose, c'est que le futur sera meilleur que le présent pour celui qui veut faire la hijra. Car Allah subhanahu wa ta'ala a promis de faciliter ceux qui émigrent dans son sentier. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 100 de sourate An-Nisa, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque émigre sur le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance de biens. Allahu Akbar. Quiconque quitte sa maison pour émigrer vers Allah et son messager, et que la mort vient surprendre, Sa récompense incombe à Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce genre de promesse, ikhwani fillah, sera une source de motivation pour celui qui veut faire la hijra. Il s'apaisera en se rappelant ce qui l'attend comme bienfait et facilité. Parmi les causes religieuses concernant la hijra, nous avons aussi la mise en pratique du tawhid. Et ceci est sans aucun doute l'une des causes les plus importantes pour accomplir la hijra. Car celui qui met en pratique le tawhid comme il se doit, il ne peut pas être apaisé en terre de mécréance. Il ne peut pas être serein. Comment le serait-il alors qu'il voit des choses contraires à l'islam et au tawhid quotidiennement, que l'islam y est combattu, surtout qu'il lui est obligatoire de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Et justement, l'une des meilleures manières de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes, c'est de quitter leur pays et s'écarter d'eux. Et donc, plus le musulman va parfaire son désaveu envers les mécréants, plus il s'empressera de faire la hijra, incha'Allah ta'ala. Donc voici quelques causes qui permettront à celui qui le veut de faire la hijra. Et il est impératif de privilégier ces causes pour la hijra. Et après les causes religieuses, il y a certaines causes mondaines à faire. Et ce sera le sujet du prochain cours, incha'Allah ta'ala.